Chapitre 6. Un incendie dévastateur. Lorsque j'étais un jeune homme, je travaillais pendant l'été sur une exploitation dans les forêts de l'Oregon, au nord-ouest des États-Unis. Un après-midi inconfortablement chaud et sec du mois d'août, à environ 15 mètres du lieu où je me trouvais, j'ai vu bouger un câble en acier qui frappa un rocher et envoya une grosse étincelle tomber dans l'herbe sèche comme de l'amadou. Instantanément, une flamme jaillit et se répandit dans toutes les directions. En courant, j'ai saisi mon casque et mon t-shirt et me suis mis à battre les flammes dans le vain effort de les éteindre. Mais elles étaient déjà en train de courir en un immense cercle impossible à contenir. Le chantier s'est arrêté et toute l'équipe a fait de son mieux pour combattre le feu. Mais la journée était trop chaude, l'herbe trop sèche et les arbres trop desséchés. Vers le soir, d'énormes avions ont lâché leur chargement de retardant rose sur le feu qui avait déjà consumé plusieurs centaines d'hectares. Il a fallu des jours entiers pour contrôler le feu. Depuis ce jour, je ne puis penser à la Pentecôte sans me souvenir de ce feu dans les montagnes de l'Oregon. Jésus a servi pendant 3 ans sur la terre. Il n'a pas cherché à évangéliser Israël, son peuple élu. Il n'a pas cherché à évangéliser les gentils incroyants. Oui, au bord des lacs et des montagnes, il a raconté des paraboles, de simples histoires qui aidaient les gens à comprendre son royaume spirituel. Mais il n'a pas conduit de campagne d'évangélisation, parcouru en long et en large le territoire dans une tentative frénétique de gagner le monde, fait un quelconque miracle pour atteindre chacun avec son message d'amour et de grâce. Au lieu de cela, Jésus s'est investi dans 12 hommes simples qui lui ont fait assez confiance pour quitter leur gagne-pain et le suivre, se laisser instruire par lui pendant un peu plus de 3 ans. Ils l'ont suivi alors qu'il était au service de tous ceux qui avaient besoin de lui, quand il guérissait le boiteux et l'aveugle, quand il disait la vérité sur Dieu et démontrait à quoi ressemble l'amour. Il a mis au cœur de chacun de ses 12 une étincelle. Mais ses cœurs n'étaient pas encore assez secs et assoiffés pour s'enflammer. Ils étaient comme du bois vert, pas du bois sec. Quand le ministère du Christ est parvenu à son sommet, à la croix, un des 12 l'a trahi, un autre l'a renié. Mais l'amour a continué à brûler doucement dans le cœur de tous, sauf d'un. Quand Jésus est ressuscité des morts, 3 jours plus tard, la flamme est devenue plus vive. Alors Jésus s'est élevé hors de la vue de ses disciples. Mais avant cela, il leur a dit qu'il leur enverrait son Saint-Esprit, pour qu'ils soient avec eux. C'est ainsi qu'ils se réunirent dans la chambre haute et passèrent 10 jours à prier et à purifier leur cœur de leur égoïsme comparable à du retardant. Ils aspiraient à recevoir le Saint-Esprit promis et attendaient. Puis tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un violent coup de vent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues leur apparurent qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres. Il s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint. Acte 2:1-4. La Pentecôte. Le feu qui avait brûlé continuellement dans leur cœur pendant plus de 3 ans a fondu sur eux avec des langues de feu. Et nous savons ce qu'un violent coup de vent signifie pour du feu. Les disciples du Christ furent enflammés par la puissance et la passion d'un amour pur, consumés par une tempête enflammée de zèle, de sentiments d'urgence et d'une détermination irrésistible à gagner le monde à leur Sauveur et Seigneur ressuscité. À leur descente de la chambre haute, Pierre a parlé au nom de tous et a prêché avec une telle puissance sous la conduite de l'Esprit que lorsqu'il eut terminé, 3000 personnes ont accepté Jésus et se sont fait baptiser. L'Église chrétienne était née, et son dynamisme se répandit dans le monde si rapidement et inexorablement qu'il ne fallut pas longtemps pour que ceux qui s'opposaient aux croyants se plaignent d'eux comme étant ces gens qui ont bouleversé toute la terre habitée. Acte 17:6. Il semble que l'Église chrétienne, le nouvel Israël du Christ, était destinée à ramener rapidement le monde entier à Christ, au moyen du puissant magnétisme de son amour et de sa vérité. Parce que l'amour du Christ, tel qu'il avait été démontré dans sa vie de renoncement et sa mort sacrificielle, avait le pouvoir de faire ce que rien d'autre ne pouvait faire. Il faisait fondre les cœurs, il détruisait l'entêtement et rendait l'orgueil répulsif. La vérité du Christ, telle qu'il l'avait enseignée et vécue, mettait en lumière les mensonges de Satan et élevait la détermination du Dieu Père à reconquérir ses enfants rebelles. Une flamme bleue soutenue. Remarquez, le feu de la Pentecôte n'était pas une émotion incontrôlée, comme la longue flamme jaune d'un chalumeau que l'on vient d'allumer. Non, c'était plutôt comme celle d'un chalumeau bien ajusté, de sorte qu'elle brûle intensément d'une couleur bleue et blanche. Cette flamme blanche et chaude de la Pentecôte était le fruit de la venue de Dieu pour remplir totalement de lui-même des êtres humains désireux de l'être. Et comme Dieu est amour, chaque croyant est devenu une torche d'amour capable d'allumer un autre feu. Ainsi, chaque nouvelle torche a causé d'autres embrasements, provoquant une chaîne de réactions allant de maison à maison, de village à village, de province à province. Remarquez aussi que le feu de l'amour de Dieu n'est pas le même que celui que l'on célèbre dans les chants, la poésie ou les spectacles de ce monde. L'amour de Dieu ne donne pas pour recevoir. Ce n'est pas une poussée d'émotion. Ce n'est pas un engouement obsessionnel. Il n'abandonne jamais quand les choses vont mal, quand le frisson est passé. L'amour de Dieu a été très clairement démontré à la croix. Parfait et total sacrifice de soi, non pour des gens qui le méritaient, mais pour des gens qui en avaient besoin. Dieu aime ceux qu'il a créés en dépit de leur rébellion, malgré leur désir de l'anéantir. Il les aime parce qu'il les a faits. Ils étaient siens, et il était prêt à donner sa propre vie pour les sauver. Attaqué, à la croix, la ruine éternelle de Satan a été scellée. Elle était maintenant irréversible. Il allait perdre le grand conflit entre lui et le Christ. S'il avait aspiré être une autre superpuissance dans l'univers, son effort était maintenant handicapé. Il était maintenant un opposant blessé à mort, un ennemi du genre canard boiteux. Mais aussi longtemps qu'il posséderait vie et souffle, il allait s'opposer à Christ et à son peuple, l'Église. Il allait déchaîner toute la force de l'orgueil et du mensonge, et faire de son mieux pour détruire cette Église florissante mais débutante. Pour ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, la contre-attaque allait venir sans surprise. Alors que l'apôtre Paul poursuivait son ministère pour convertir d'abord les Juifs, puis les Gentils, il adressa cet avertissement. « Je sais bien, moi, qu'après mon départ, s'introduiront parmi vous des loups féroces qui n'épargneront pas le troupeau, et que d'entre vous-mêmes se lèveront des hommes qui diront des choses perverses pour entraîner les disciples à leur suite. Veillez donc, en vous souvenant que pendant 3 ans, nuit et jour, je n'ai cessé dans les larmes d'avertir chacun de vous. » Actes 20:29-31. Satan allait attaquer la jeune Église de l'extérieur et de l'intérieur. De l'extérieur, des loups sauvages viendraient s'en prendre au troupeau. À l'intérieur, des hommes allaient se lever, disant des choses perverses. Des choses perverses ? Paul a été plus précis dans une autre lettre. Car il viendra un temps où ils ne supporteront plus l'enseignement saint, mais au gré de leur propre désir, avec une démangeaison d'entendre, ils se donneront maître sur maître. Ils détourneront leurs oreilles de la vérité et dévieront vers les fables. 2 Timothée 4:3-4. Une saine doctrine face à des fables. La vérité face au mensonge. Le conflit entre la vérité et le mensonge, entre la saine doctrine et les fables, devint si prononcé dans une église que Paul fut poussé à la réprimander en des termes les plus forts qui soient. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce du Christ, pour passer à une autre bonne nouvelle, qui d'ailleurs n'en est pas une. Il y a seulement des gens qui vous troublent et qui veulent pervertir la bonne nouvelle du Christ. Mais si nous-mêmes, ou si un ange du ciel, vous annonçait une bonne nouvelle différente de celle que nous vous avons annoncée, qu'il soit anathème. Nous l'avons déjà dit, et je le répète maintenant. Si quelqu'un vous annonce une bonne nouvelle différente de celle que vous avez reçue, qu'il soit anathème. Galates 1:6-9. Paul a renforcé ses avertissements à l'égard des hérésies qui s'élevaient dans l'Église. en déclarant ce que peu d'autres étaient capables de voir. Car déjà le mystère du mal est à l'œuvre. Il faut seulement que celui qui le retient maintenant ait disparu. 2 Thessaloniciens 2:7. Ainsi, même après la croix, Satan a maintenu sa guerre contre Christ. Il n'a renoncé à rien. Il veut attaquer le caractère de Dieu, sa loi, sa vérité, son évangile, son Église et ses gens. D'Adam à Noé, de Noé à Abraham, d'Abraham à Christ. Il y en a toujours eu qui sont restés fidèles à Dieu et à sa vérité. Parfois ils ont été nombreux, et parfois très peu nombreux comme avec Noé au temps du déluge, 8 sur la terre entière. Mais que ce soit 8 au déluge ou 3000 et plus à la Pentecôte, la chaîne ininterrompue des fidèles s'est poursuivie avec le temps. Qui sait combien de vrais croyants ont suivi le Christ au sommet du succès de l'Église primitive? Peut-être des millions? Ce que nous savons avec certitude, c'est que tout comme Paul l'avait prévu, le grand ennemi s'est levé pour monter une attaque frontale contre les élus de Dieu. Il a fait usage de la persécution de l'extérieur et de l'hérésie et la compromission à l'intérieur pour faire ce qu'il y a de pire. Toute l'histoire de l'Église chrétienne, de la Pentecôte au retour de Jésus, est développée dans le livre de l'Apocalypse. Ces 3 premiers chapitres contiennent des messages à 7 églises. Les 7 églises constituent en fait une seule église, mais à différentes époques de l'histoire. Le point de départ et celui de la fin de chacune d'entre elles ne peut être établi avec précision. Il varie selon les théologiens. Mais en général, voici les 7 églises et les dates approximatives de leur existence dans l'histoire. Éphèse, de la Pentecôte à environ l'an 100. Smyrne, de 100 à environ 313. Pergame, de 313 à environ 538. Thyatire, de 538 à environ 1517. Sardes, de 1517 à environ 1798. Philadelphie, de 1798 à environ 1844. Laodicée, de 1844 jusqu'à la fin des temps. Dans les autres chapitres de ce livre, nous suivrons l'histoire du peuple de Dieu dans chacune de ces périodes, au travers du symbole de chacune de ces églises. Notre prochain chapitre se portera sur les 3 premières, Éphèse, Smyrne et Pergame. Ensuite, nous suivrons l'église dans le long tunnel du Moyen-Âge, sous le symbole de Thyatire. L'église de la Réforme suivra, sous le symbole de Sardes. De la Réforme à 1844, nous examinerons l'église alors qu'elle entre dans ce que l'on a appelé le Grand Réveil Adventiste, l'église de Philadelphie. Avec l'année 1844, nous atteindrons la naissance du reste, et le dernier chapitre de ce livre se portera sur ce reste. Ces chapitres devraient être d'un grand intérêt et important pour vous et moi, parce qu'ils parlent de nous. Ils parlent de nos privilèges et de notre obligation de poursuivre la longue chaîne ininterrompue des fidèles. Ils parlent de la façon dont Dieu veut nous employer au quotidien pour ramener les rebelles à lui. Ils veulent nous apprendre qui nous sommes et pourquoi nous sommes ici. Il y a une lignée depuis Adam jusqu'à nous. Entre les deux, pendant 6000 ans ou plus, Dieu a forgé sa chaîne ininterrompue de fidèles et loyaux sujets. Je désire être un solide anneau de cette chaîne, un anneau auquel d'autres pourront se joindre pour allonger la chaîne un peu plus longtemps, jusqu'à ce que le grand conflit ait pris fin. Et il prendra fin à mes années. Bientôt, mais pas encore. À toutes les époques, Dieu a toujours eu un peuple qui lui a été fidèle, les appelés et les élus. Et il dispose encore d'un peuple particulier aujourd'hui.